DJ Fresh. Oui. Fiesta, fiesta. Yeah. Envoyé. Let's go. C'est pas fini, on continue la soirée. Don't stop the party. Oui, je suis trop bourré. Oui, c'est pas fini, on continue la soirée. Don't stop the party. C'est virus, c'est le dé. Allez, bouge ton boule. Ce soir, c'est fiesta. Fiesta, fiesta. Oui, lève ta bouteille. Show, show. Ce soir, c'est fiesta. Fiesta, fiesta.